J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais laissez-moi tranquille. Entouré de pourriture, comment veux-tu que je reste docile? La vie s'arrête en un battement de cils. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas chose facile. Le système nous pousse dans nos retranchements. Je garde mon cap avant d'arriver au dernier segment. Et je suis fier d'être noir et de parler créole. Mon histoire, malheureusement, je l'ai pas apprise à l'école. Les Antilles, c'est la terre de mes ancêtres. Africa, la terre qui nous a vu naître. Je suis de ceux qui restent fiers, même si toutes les valeurs de ce monde sont éphémères. Je m'arme d'une feuille et d'un stylo pour vous atteindre. Posé dans ma chambre, je dépeins la vie sous toutes ses couleurs, en me livrant à vous avant qu'arrive ma dernière heure. Posé dans ma chambre, je dépeins la vie sous toutes ses couleurs, en me livrant à vous avant qu'arrive ma dernière heure. En me livrant à vous avant qu'arrive ma dernière heure. Peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Des fois je me pose et puis je me dis, qu'as-tu construit depuis que Dieu t'a donné le souffle de vie? Je soupire en moi-même, j'aimerais que l'espoir cesse de faire de l'intérim. Des fois je vais à l'extrême et c'est quelques rimes qui me ramènent à la raison. Nos parents nous ont tout donné, notre réussite fera leur fierté. Yo, dans les méandres de mon esprit, je pensais que les dés étaient déjà jetés. Y'a pas de marche arrière, mais ton passé t'aide à avancer. Mais désormais avance vers lui, n'avance plus tête baissée. Un seul chemin, une seule direction. Je suis ce qui fait battre mon cœur, lui seul apporte la rédemption. Il séchera tes pleurs. Un seul chemin, une seule direction. Je suis ce qui fait battre mon cœur. Lui seul apporte la rédemption. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de pleurs. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Et peu importe le temps que ça prendra, il l'a dit donc il fera. Il l'a dit donc il fera. Il l'a dit donc il fera. This is a Chucky Beat Production.